On va parler de deck hockey. On sait que le soccer, on a appris qu'il n'y aura pas de soccer à Dalboom-Cessy cette année. Il y a eu une bonne nouvelle, une nouvelle intéressante quand même. Il y aura du deck hockey à Dalboom-Cessy cette année. Pas chez les juniors, de la manière que j'ai pu comprendre. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le responsable, Jonathan Harvey. Salut, Jonathan. Salut. Jonathan, oui, il y aura finalement du soccer, pas du soccer, mais du deck hockey à Dalboom-Cessy cette année. Ça a été long, par exemple, à tout savoir ça et à tout engendrer ça, là. Oui, on va quand même finalement avoir du deck hockey un petit peu sur le tard avec une saison qui sera écourtée. Comme tu l'as mentionné aussi, là, le junior n'aura malheureusement pas lieu cette année. Pour des raisons de manque de ressources, puis manque financier, les commentaires, c'est pas la même chose que les autres années. Puis au niveau du manque de ressources, ça prenait beaucoup de prenait des responsables sanitaires, ça prenait beaucoup plus de planification. Et avec l'annonce tardive de tout ça, étant donné qu'on peut pas aller trop loin là, proche de l'automne, parce que là, il y a les écoles qui recommencent, le hockey qui recommence tranquillement aussi. Donc, nous, ça nous mettait un petit peu trop court, là, puis on n'avait pas. Ça me demandait beaucoup trop de planification pour le temps qui nous restait là, de matchs qu'on aurait pu être capable de jouer. Mais au niveau senior, là, on vise là, les alentours du 10 juillet là, avec la ville de Dalboom-Cessy pour installer la surface, les bandes, puis tout ce qu'il faut, puis se préparer pour le 10 juillet. Comment vous attendez d'équipe? Alors, ben là, on est présentement en période d'inscription. Pour les équipes seniors, autant masculines que féminines. Au début, on s'attendait d'avoir un nombre beaucoup plus important que l'année passée au niveau des inscriptions d'équipes complètes. On avait même pensé à un moment donné faire trois catégories, donc une catégorie de plus, plus notre ligue féminine. Sauf que là, on va attendre de voir si des équipes se sont désistées, là, étant donné là, le début tardif. Puis, c'est ça, avec le moins nombre de matchs aussi. C'est sûr que là, on est ouvert encore aux inscriptions. Vu que c'est une saison qui va être plus écourtée un petit peu, au lieu d'avoir 16 matchs, on va en avoir 12. Mais dans les 12, après ça, on va s'ajouter quand même des séries puis possibilité de faire un tournoi en fin de saison. Fait qu'on va se rapprocher quand même du même nombre de matchs. Mais en saison régulière, au lieu d'avoir 16 matchs, on va avoir 12 matchs. Mais il va y avoir aussi le tarif d'inscription qui va être réduit en conséquence de tout ça aussi. Si on parlait un peu justement des tournois, l'année passée, vous n'avez fait un tournoi concernant l'automne. Je pense que c'était quelque part au mois de septembre. Est-ce que ça va revenir? Oui, le tournoi, en fait, dans les plans originaux de tout ça, on avait trois tournois qui étaient déjà saison. Après ça, on avait le tournoi du Festival du Bleuet qu'on organisait encore conjointement avec eux, mais on a su assez rapidement qu'on allait abandonner ce projet-là aussi. Puis le tournoi de fin de saison, il n'y a pas de restriction pour l'instant là, de pas l'avoir. Puis habituellement, c'est le challenge du fret qu'on l'appelle. Puis à la fin de semaine après la chasse en octobre. Ouais, ça c'est là, donc ça va être fait, ça. Il y a des grosses chances que ça marche. Quand tu dis manque de ressources, je vais te poser la question que j'ai posée au soccer. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème? Si ça avait été une année normale, est-ce qu'il y aurait eu ce problème-là? Ben, évidemment que il y aurait eu probablement plus de facilité à avoir des commanditaires probablement, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux. Mais aussi au niveau du personnel à aider, ça aurait peut-être été sensiblement la même chose, parce que on demande pas beaucoup de bénévoles au décor hockey tant que ça. C'est pas comme une organisation de soccer qu'ils en ont grand à couvrir, puis comme le hockey, tout ça. Puis l'année passée, on s'est quand même bien on a quand même été correct là-dedans là, avec les parents qui. Puis tu sais, nous, le concept est vraiment joué, il n'y a pas de pratique, rien. Donc les jeunes étaient là pour s'amuser. Donc on avait juste un parent responsable qui était là, mais c'était même pas un entraîneur, c'était un parent responsable pour dire gars, d'être avec les jeunes. Mais ça aurait peut-être c'est tout vient en ligne de compte là, le moins de jeunes qui peuvent s'inscrire, donc moins de parents, moins de possibilités d'avoir de gens qui aident. Fait que c'est un petit peu tout ça là, parce que évidemment, si on avait eu du junior, on aurait été obligé de ratisser le nombre d'inscriptions permises. Ouais. Fait que là, on aurait eu effectivement moins de monde, moins de parents, Puis là, vu qu'on retardait la saison, ben là, il y en a déjà qui disaient, ben, on va sauter notre tour cette année parce que là, on part en vacances, puis il y a tout ça, là. Donc, le fait que ça retardait, parce que ça fait plusieurs fois que je te demande des questions, ça fait plusieurs fois que je te pose des questions là-dessus, puis tu me disais tout le temps, j'attends des réponses, j'attends des réponses. Est-ce que ça aussi, certainement que ça le. C'est pas la faute de personne, mais c'est arrivé quand même, là. Donc, certainement que Oui. ça le nuit à le fait qu'on n'a pas de junior, là. Oui, ça c'est officiel, là. Puis tu sais, comme tu dis, c'est pas de la faute de personne. Puis nous, on attendait les go de différentes autorités, même des associations, puis tout ça. Puis à partir du moment qu'on a le go, on est un centre extérieur aussi. C'est pas comme un centre intérieur qui aurait eu le go, ben il aurait pu dire on y va. Mais nous autres, on a des limites de temps aussi là, pour décoller la saison. C'est sûr qu'on avait déjà là. Avant qu'on ait cette nouvelle de COVID-19 là, on avait déjà là, quasiment atteint là, un bon 85-90% de notre capacité maximale dans le junior. Fait que ça n'aurait pas été un problème. Mais c'est sûr que là, ça a retardé avec ça, à savoir quand est-ce que ça sera quoi les mesures avant que les villes reçoivent les documents. Puis tout ça, lui, à Delbeau, faut monter le setup aussi, là. Fait que faut avoir toutes les réponses avant d'être capable de dire un oui officiel pour pas être obligé de revirer de bord puis dire ben là finalement c'était supposé être un oui, ça sera un non. Fait qu'on aimait mieux être sûr de notre affaire et décoller du bon pied que partir en boitant. OK. Donc là, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est la liste d'inscription. Devrait commencer le 10 juillet environ, c'est ça? Présentement, on est encore en inscription pour les équipes qui sont intéressées. Il y a déjà plusieurs équipes là, qui étaient déjà intéressées au départ qui vont revenir. J'ai pas le décompte de qui sont là encore présentement officiels. On a encore un peu de temps pour les inscriptions. On se donne là, facilement dans la semaine du 4, là, puis un petit peu éloigné là, pour en apprendre, là, pour être capable aussi d'avoir le temps de faire les horaires là, pour décoller si c'est pour le 10 juillet à peu près. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a toujours la problématique sportive de recherche d'arbitre aussi, qu'on est encore là-dedans, Du point de qu'on vue accueille pas sanitaire, ça mal. va-tu être lourd? Ben, du point de vue sanitaire, ça va être quand même pas mal comme les autres sports, là. Ils n'ont pas fait des grands changements par rapport aux autres sports. Il va y avoir le registre des présences, pas de partage d'équipement. Donc, au deck hockey, c'est moins commun, mais si on compare un peu avec la balle molle, les joueurs se prêtent souvent le bâton de baseball, ben là, tu sais, au deck hockey, c'est rare qu'on se prête le bâton de hockey, là. Fait que ça, c'est moins problématique. Le risque de présence, désinfectation, puis la distanciation là, sur le banc des joueurs, ben là, tu sais, c'est sûr que plus l'équipe est nombreuse, plus ils vont se ramasser un petit peu plus loin alentour de la surface, là. Mais tu sais, sinon, ça sera pas si lourd que ce qu'on avait peur que ça arrive, là. Donc, ça commence bientôt. Les inscriptions sont à combien? Puis si on veut s'inscrire, on va où? Ben, vous pouvez aller sur la page Facebook de Bec Hockey Nord du Lac. Vous pouvez m'envoyer un message privé à moi, ben, et à Éric Simard. Puis les inscriptions sont réduites un peu, comme je le disais tantôt, c'est 800 par équipe. Puis à ça, on va se rajouter les séries, mais ça va être inclus là-dedans, là. Ben, Jonathan Harvey, tiens-moi au courant, on va se parler d'ici la fin de l'année. Parfait. Jonathan Harvey du Deck Hockey Lac-Saint-Jean.